mange au secours catholique. T'as pas d'argent pour nourrir ta caisse. Tu chausses des godasses antiques avec ton jean troué aux fesses. Tu es dans la dèche. Tu es dans la dèche. Tu es dans la dèche. Oh, tu es dans la dèche. Terminé tes fins de mois. Un découvert de quatre poids. Des agios plein les poches. De temps en temps tu fauches. Tu es dans la dèche. Tu es dans la dèche. Tu es dans la dèche. Oh, tu es dans la dèche. Une orange à Noël. Un feu dur à Pâques. Jamais un McDo à midi. T'as plus un rond dans ton sac. Tu es dans la dèche.